L'Éternel a établi son trône dans les cieux, domine sur toutes choses, son règne glorieux. Bénissez Dieu, vous tous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez Dieu, vous ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Ses œuvres dans tous les lieux de sa domination. Et toi mon âme, bénis-le. Et toi mon âme, loue-le. Et toi mon âme, bénis le nom de Dieu. Et toi mon âme, bénis-le. Et toi mon âme, loue-le. Et toi mon âme, bénis le nom de Dieu. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, domine sur toutes choses, son règne glorieux. Bénissez Dieu, vous tous ses anges, puissant en force et qui exécutait ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez Dieu, ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez Dieu, vous toutes ses œuvres dans tous les lieux, dans tous les lieux de sa domination. Toi mon âme, loue-le. Et toi mon âme, bénis le nom de Dieu. Toi mon âme, bénis-le. Toi mon âme, loue-le. Et toi mon âme, bénis le nom de Dieu. Blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah.